Le quotidien coréen Rodong Simun a présenté le 19 juillet un commentaire titré « Nous observerons l'attitude des États-Unis ». En voici le résumé. Peu de temps auparavant, Pan Do, chercheur supérieur de l'Institut américain Cato, a présenté son écrit dans la revue américaine National Interest. Il y a affirmé « La Corée déclare de livrer l'attaque nucléaire contre les États-Unis. Elle en est déjà suffisamment capable. » Si les troupes américaines ne stationnent pas en Corée du Sud et que les États-Unis ne menacent pas la Corée, pourquoi auraient-elles fait un tel choix? La raison du stationnement en Corée du Sud des GIs n'existe plus il y a des dizaines d'années. Pour ne pas les voir mourir comme les papillons nocturnes qui se jettent dans le feu, les États-Unis doivent les retirer de Corée du Sud. C'est une analyse relativement plausible basée sur la réalité objective qui montre la raison de la pression militaire de la Corée avec le nucléaire envers les États-Unis et le moyen d'éviter la ruine américaine. Si les Américains stationnent toujours en Corée du Sud et s'adonnent au simulacre de guerre nucléaire, nous renforcerons durablement la capacité de frappe nucléaire visant leur territoire afin de préserver la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et la région. Si les hommes politiques américains veulent sincèrement la sécurité de leur pays, ils doivent changer le plus vite possible leur politique vis-à-vis de la Corée. Tout d'abord, ils doivent prouver leur volonté par la décision du retrait de leurs forces d'occupation en Corée du Sud. Nous observerons l'attitude des États-Unis.